9.5. Observation. Prononciation. O. O. Notre. Nous. Écoutez. Notre. Nous. Votre. Vous. Notez que le O de notre et votre représente un son différent du O dans nos et vos. Dans notre et votre, la voyelle est plus ouverte. La bouche est plus ouverte. Elle est plus fermée dans nos et vos. La bouche est plus fermée. La tension dans les lèvres est plus grande. Les lèvres sont plus en avant.